en Toulon. La zone en personne, la zone en personne, la zone en personne, la zone en personne, la zone en personne. Un peu sur la moto, assale-toi avec un bon poteau, on veut le magot. Je vois que des gars du passé, chargés dans la Fiat 500. En plus, je peux plus marcher, je peux plus faire l'innocent. On me dit de rien lâcher, pas écouter les gens. Quand c'est que j'étais le sang. Et tu veux faire comment? Y'a 4 gadgets sur le banc. Reste la brune, reste la blonde. Est-ce que tu veux ce monde? J'aime pas les buts qui font des buts. Non, mon dos, ça suit Satan, attendant ma chute. En jeune t'es plein de ma chair, t'es rarement à jeune. En jeune t'es plein de ma chair, t'es rarement à jeune. Ouais c'est mineur, pourquoi mon petit séminaire? J'ai zoné en DP, sont tu la succès. Même gros pétard, tu es la succès. Je suis même gros pétard, je suis la succès. Oh non, je suis la moto. Un salto avec un bon poteau. On peut le mal. J'croyais que c'était l'équipe et en fait c'était le pompier. J'vois Ringati, j'ai mis le sauvet du Milano. Le poteau me demande si je suis pas marié, pourquoi j'ai Milano. Moi, j'ai pas eu ni l'amour, pour ça aller à mille à l'heure. Il fait le mal qui chante moi le jour. Tu dois mille à l'eau. La vie est faite malheur. J'ai pas de miracle comme un loup. Et à chaque fois qu'un mec a l'air, je deviens parano. On pue les traites par année. Les faux culs font des alliances. J'espère que la roue va tourner. Casse les couilles même en vacances. L'orage passe la pluie s'arrête. Voilà l'arc-en-ciel. Souvent seul mais je suis seul. C'est l'essentiel. Tout le monde se baisse, tout le monde se baisse. Je suis dans mon corps. Chaud. Tout le monde se baisse, tout le monde se baisse. Tout le monde se baisse. Oh, oh, oh, oh. Je regarde mademoiselle. Et je crois que c'est son boule qui me donne des ailes. Si je te braque comme Denzel, tu vas faire de la dance comme Redouane Fafa. Tu peux me croiser vers Sarcelle. Je m'en contre ta bidoule. Comme ta gueule, moi. Pick up au vol. Pick up au tour. Le système solaire me rend fou, je chauffe. Pas de bulletin scolaire, mais je touche plus mes profs. Je prends son mic en colère. Plus frérot, plus de colère. Des salopes, des colères. Si je t'ai touché, désolé. Tu as quelque chose qui manque. J'aimerais m'excuser. Si j'ai frotté, c'est moi. Tout le monde se baisse. Wesh. Tout le monde se baisse. Je te passe le bangui. Tout le monde se baisse. Tout le monde. On s'appuie. C'est qui? La zone en personne. C'est qui? Allez. C'est qui? Allez. Tout le monde.